Il observe, il ressent chaque mur construit est une prière, chaque base vide une leçon d'éphémère. Je creuse, je plante, je garde le silence. Mais raide est-ce qu'il veille toujours en avance. Les drones survolent. Les ombres s'allongent, mais mon esprit ne tremble pas. Raïdes qui sculpte le désert avec des gestes précis comme un maître du sable. We rise through dust and flame. Raïdes qui same when the silence breaks and the stars align. We build, we fight your strength and mine. Je suis là pour montrer ce qu'on peut faire quand un stream devient un rein repère, quand Raider Skill devient mémoire. Ils oublieront les clans, mais pareil de ce qu'ils...